et le consultait sur toutes ses affaires. Quand celui-ci voyait clairement que son ami méditait une action coupable, non seulement il n'osait le blâmer, mais en général il lui prodiguait toutes sortes de compliments et d'éloges. Un soir il vit en songe un dieu qui lui adressa de vives reproches, et lui dit « C'est vous qui êtes cause que Yankai met à exécution ses mauvais desseins. Il est sans doute très coupable, mais vous l'êtes autant que lui, et vous subirez le même châtiment. » Un mois ne s'était pas encore écoulé, qu'ils tombèrent tous deux malades, et moururent au milieu des plus cruelles douleurs. On voit par là que c'est aider les méchants que de leur accorder un seul mot d'éloge. Combien sont coupables, à plus forte raison, ceux qui font tous leurs efforts pour seconder les projets criminels des autres. Un licencié de la province de Chekiang avait un ami dont la femme était douée d'une beauté accomplie. Un de ses voisins l'ayant aperçu furtivement, conçut le désir de la posséder. Le licencié se chargea de lui en fournir les moyens. Il inventa une aventure galante qui compromettait gravement la femme de son ami. Celui-ci, en ayant été instruit, voulut sur le champ répudier sa femme et vint demander l'avis du licencié, qu'il appuya de tout son pouvoir et lui offrit même de rédiger l'acte de divorce. Quand le brouillon fut achevé, son ami le mit au net et s'en alla. Il arriva par hasard qu'un marchand de pinceaux vint à passer. Le licencié ayant choisi ceux qui lui convenaient, il mit le brouillon de l'acte de divorce dans le tuyau d'un pinceau. La 14e année du règne de Shang-Chi, 1658, il se rendit à la capitale pour obtenir le grade de docteur. Il se présenta au concours, oubliant le brouillon qu'il avait autrefois mis dans le tube d'un de ses pinceaux. Les inspecteurs l'ayant trouvé en le fouillant, il fut condamné à recevoir la bastonnade et à porter la kang, et on le dépouilla de son grade de licencié. S'abandonner à la violence de son caractère, et chercher à en imposer par sa puissance. Commentaire. Tout magistrat qui se montre droit et sincère, inspire naturellement aux autres l'obéissance et le respect, mais s'il s'abandonne à la violence de son caractère, s'il use arbitrairement de son autorité pour que ses subordonnés le redoutent et lui obéissent, il est à craindre qu'il ne se soumette pas du fond du cœur, et que sa conduite ne lui attire dans l'autre monde les châtiments les plus rigoureux. Histoire aux hommes de Nanking nommé Céliang Tso, étant devenu inspecteur impérial de la ville de l'Ouest, continua à habiter la ville de l'Est. Soit qu'il sortît de chez lui ou qu'il y rentrât, il se mettait en colère en voyant que les gens du pays ne s'éloignaient pas de son passage. Un jour, il en fit prendre plusieurs, et les traduisit devant l'inspecteur impérial de la ville de l'Est. Celui-ci les ayant interrogés, ils répondirent. Le seigneur qui, l'ancien président du tribunal des peines, est la cause de l'erreur que nous avons commise. Quelle erreur ? Reprit le magistrat. Le seigneur qui, répondirent-ils, était aussi un habitant de Nanking. Quand il était en fonction, nous avions tous coutume de nous éloigner quand nous le voyions passer, mais il nous retenait en disant « Mes amis, je suis du même pays que vous, je ne puis descendre de mon char toutes les fois que je passe devant la porte de votre village, mais je vois avec peine que ma présence vous oblige de vous éloigner. » Dans notre simplicité, ajoutèrent les paysans, nous avons cru que le Seigneur C pensait sur ce point comme le Seigneur Ni, et c'est pour ce motif que nous ne nous sommes pas éloignés de son passage. Nous étions loin de penser que nous nous exposerions à sa colère. L'inspecteur impérial ne put s'empêcher de rire, et les mit tous en liberté. On voit par là qu'un homme vraiment honorable obtient naturellement le respect qui lui est dû. Pour cela, il n'est pas nécessaire qu'un magistrat s'abandonne à la colère et cherche à en imposer par son autorité. Faire affront aux autres hommes pour l'emporter sur eux. Commentaire. Les mots jojin signifient humilier quelqu'un, lui donner de la confusion. Ceux-ci attaquent les autres par des sarcasmes et des railleries qui leur ôtent l'assurance nécessaire pour répondre. Cela accable les autres par la force de leur raisonnement et les met dans l'impossibilité de leur tenir tête. Les mots yuxing, chercher à vaincre, s'appliquent aux hommes avides d'élévation qui veulent usurper la supériorité. Ils veulent l'emporter par leurs paroles et par leurs actions. Et ils vont jusqu'à faire affront aux autres pour obtenir la victoire. Si par hasard ils y réussissent, croient-ils que leurs concurrents verront avec plaisir l'avantage qu'ils ont remporté? Il est à craindre, au contraire, qu'en voulant faire affront à des hommes peu disposés à le souffrir, ils n'attirent sur eux les plus cruels affronts. Histoire. Le président d'un tribunal suprême nommé Lindwichai, étant à l'article de la mort, ses fils et ses petits-fils se mirent à genoux devant son lit et lui dirent « Seigneur, quelles instructions avez-vous à donner à vos enfants ? Je n'ai qu'une chose à vous recommander, leur dit-il, c'est d'endurer les affronts. » Hélas ! Combien d'affaires ont été ruinées depuis l'Antiquité, parce que des héros n'ont pas voulu endurer un affront. Celui qui ne veut pas supporter le plus léger affront, est un homme qui aime à l'emporter sur les autres. On doit redoubler d'attention et de vigilance pour se préserver du défaut que nous venons de signaler. Détruire les grains qui sont en herbe ou en pleine maturité. Commentaire. Le mot paille, hein, signifie détruire. Lorsque les grains commencent à pousser, on les appelle miao, 3. Quand ils sont mûrs, on les appelle Kia, 4. Ce sont les précieuses moissons que le ciel nous envoie. Au printemps, on laboure, en été, on sarcle, et on récolte ensuite les grains quand ils sont parvenus à leur maturité. Le peuple compte sur ces moissons pour subsister et payer ses impôts. Si vous arrêtez les canaux d'irrigation pour dessécher les terres, si vous détruisez les digues pour les inonder, si vous lâchez au milieu des moissons des animaux qui les foulent et les dévorent, de sorte qu'il ne reste plus rien à récolter, vous commettez un crime des plus graves, que le ciel ne manque jamais de punir. Histoire. Zhang Wei possédait une ferme et des terres dans le département de Qiangningfu. Son pâtre, fier de la puissance de son maître, se livrait à des actes de violence et de brutalité. Il conduisait ses troupeaux au milieu des champs voisins qui étaient couverts de moissons naissantes. Les laboureurs le supplièrent en pleurant, mais il ne daigna pas les écouter. Ils se prosternèrent à terre et dénoncèrent au ciel cet acte de méchanceté. Un jour que les bœufs de Zhang Wei paissaient dans les blés d'un laboureur voisin, il s'éleva un orage violent suivi de tonnerres et d'éclairs. Le pâtre fut frappé de mort avec tout son troupeau. Un homme de Changcheu nommé Kiopien avait eu un différend avec un certain Cheu qui habitait le même village que lui. Cheu avait quelques dizaines d'arpents couverts de blé dont les épis étaient déjà formés. Kiopien y alla la nuit avec une multitude d'hommes pour les arracher, mais il trouva la moisson entièrement desséchée sans qu'il pût en découvrir la cause. Il s'en retourna avec le dépit dans le cœur. Chemin faisant, il rencontra un vieillard qui lui dit « Hier soir, comme je dormais dans le temple appelé Long Vang Miao, je le vis tout à coup éclairé par des lampes resplendissantes. Deux hommes, portant un manteau rouge et un bonnet d'or, passèrent devant moi et crièrent à haute voix. Kiopien, qui habite ce pays, a voulu arracher la moisson de Cheu. Il s'est rendu coupable du plus grand des crimes. Il faut que nous allions en instruire le suprême maître du ciel. » Ils revinrent à la quatrième veille. Par ordre du Shanti, du suprême maître du ciel, dirent-ils, le châtiment de Kyupien est confié au dieu du tonnerre. Kyupien fut en effet frappé de la foudre. Cheou fut rempli d'étonnement en apprenant cette nouvelle. Voilà comment le ciel punit les hommes qui détruisent les grains, qui sont en herbe ou en pleine maturité. Il y avait un homme qui avait formé le projet de s'emparer d'un champ voisin. N'ayant pu y réussir, il ordonna secrètement à son domestique, nommé Tsiai, d'aller y semer de l'ivraie. Celui-ci dit à sa femme, « Si je sème de l'ivraie, je rendrai stérile le champ du voisin. Si je n'y sème pas de l'ivraie, je désobéirai à mon maître. » Il fit cuire les graines d'ivraie et les sema. Le fils de son maître envoya quelqu'un pour voir s'il s'était acquitté de sa commission, et il reconnut que l'ivraie avait été semée. Dans la suite, Tsien y eut un fils nommé Mei. Il obtint le grade de docteur, et fut aussitôt élevé en charge. Quelque temps après, il reçut de l'empereur le titre de prince, et prolongea sa carrière jusqu'à l'âge le plus avancé. Un Taoïste qui avait célébré un sacrifice funèbre à la mort de Tsien Yi fut transporté en songe dans l'autre monde, et il eut l'histoire de l'ivraie cuite qu'il avait semée 30 ans auparavant. C'est pour cela qu'il avait été récompensé d'une manière si éclatante dans la personne de son fils. Rompre les mariages des autres. Commentaire. Le mot po signifie rompre, disjoindre. Ceux-ci, par des paroles calomnieuses, détruisent la réputation des autres. Cela, à l'aide d'un stratagème perfide, les force à se séparer. Les uns rompent un mariage lorsqu'il est sur le point de se conclure, les autres lorsqu'il est déjà conclu. Rien ne contribue davantage à leur faire perdre les bénédictions du ciel. Les anciens disaient, celui qui pendant une génération, un espace de 30 ans, a rompu un mariage, sera pauvre pendant 3 générations. Or, celui qui rompt un mariage de propos délibérés, montre une dureté de cœur qui tient de la cruauté. Il mérite de subir ce châtiment. Histoire homme du royaume de Qing, nommé Chongo, avait été fiancé dans son enfance à une jeune fille nommée Wangxi. Ho Chong ayant perdu son père, fut réduit à une extrême pauvreté. La femme qu'il devait épouser avait un frère aîné nommé Wangku, qui était chef de la justice dans l'arrondissement de Wangcheu. Il eut le désir de la voir renoncer à cette union, mais il craignit l'opinion publique, et fut obligé de la laisser marier. Elle eut un fils qu'elle ne put élever. Wangku profita de ce prétexte pour rompre aussitôt ce mariage. Ho Chong en mourut de colère et de douleur. Wangku maria sa sœur à un homme nommé Lo Song, qui avait la charge d'inspecteur des études dans le pays de Zichu. Wangxi vit en songe Ho Chong, qui lui dit, « J'ai dénoncé le crime de votre frère au roi de l'autre monde. » Il a ordonné au dieu du mont Taishan, dont la puissance s'étend sur l'arrondissement de Qingcheu, de poursuivre les coupables et de les punir. Un mois ne s'était pas encore écoulé lorsque Wangku mourut, ainsi que Lo Song. Tous ceux qui, à cette époque, avaient pris part à la rupture du mariage, furent remportés en même temps. Wangxi seul échappa à la mort, parce qu'elle n'avait jamais eu la plus légère idée de quitter son mari. Voilà le châtiment de ceux qui rompent des mariages conclus depuis longtemps. S'enrichir par des voies illicites, et s'enorgueillir de sa fortune. Commentaire. L'expression « kéoufou » se prend en mauvaise part. Elle s'applique à ceux qui s'engraissent des dépouilles du peuple, qui acquièrent des richesses par des moyens illicites, ou par l'effet du hasard, etc. Le mot Kéao, 4, veut dire se vanter, s'enorgueillir d'une chose. Tout homme riche doit se montrer humble et modeste, s'il veut conserver longtemps sa fortune. Mais celui qui s'est enrichi en un instant par des voies illicites, et qui traite les autres hommes avec orgueil, ne peut manquer de voir son bonheur se changer bientôt en un malheur complet. Il est juste d'ailleurs que le ciel ne le laisse pas jouir en paix de ses biens mal acquis. Histoire. Sous la dynastie des Song, Nanking avait été adopté par un homme riche. Fier de son opulence, il ne fréquentait que des magistrats. Il était orgueilleux et violent, et se livrait à toutes sortes d'excès. Il persévéra dans cette conduite pendant plusieurs années. Mais tout à coup il fut attaqué d'une maladie cruelle. Un jour il ferma la porte de sa chambre, et fut aussitôt changé en âne. Quand sa femme entra, il lui restait encore une jambe qui avait conservé sa première forme. Dans les années Qing Te, de 1127 à 1135, il y avait un homme de Meiji qui était d'une avarice sordide et qui amassait de jour en jour des monceaux de grains et d'argent. Qin Tong Tan dit en le voyant : cet homme doit éprouver quelque malheur extraordinaire. Il ne répand point d'aumône, et de plus il ne fait aucune bonne action. Dans le commencement, il ne songeait qu'à satisfaire sa honteuse avarice. Depuis quelque temps il devient orgueilleux et brutal. Voilà ce qui attire promptement le malheur. Bientôt après, il fut assassiné par des brigands. Qin Tong Tan s'exprime ainsi dans ses instructions intitulées Qianwen Qiyu. La troisième année du règne de Song Tsong, en 1129, notre arrondissement fut frappé d'une grande sécheresse. Presque tous les villages perdirent leurs moissons. Les habitants de mon village purent seuls récolter, parce que leur terre était pourvue de digues qui avaient retenu l'eau. Les magistrats eurent égard à cette calamité et firent la remise totale des impôts. L'année suivante il tomba de grandes pluies qui inondèrent tous les districts. Les habitants de mon village purent seuls récolter, parce que leurs champs étaient situés dans une position élevée. Les magistrats eurent encore égard à ce malheureux événement et firent la remise totale des impôts. Les habitants achetèrent à vil prix les meubles et les ustensiles de leurs voisins et les revendirent en trois fois plus qu'ils ne leur avaient coûté. Chacun d'eux s'abandonnait sans réserve au transport de sa joie. Je leur dis alors : il est certain que votre village éprouvera une calamité extraordinaire. Ma maison est un peu plus riche que telle et telle, mon malheur se bornera peut-être à quelques pertes peu importantes. Mais je crains bien que les quatre maisons de Yu, de Jui, de Fei et de Li ne puissent échapper à leur ruine. Quelque temps après, le village fut frappé de la peste. Les hommes et les femmes de ces quatre maisons périrent jusqu'au dernier. Au bout d'un an, les trois maisons qui appartenaient à ma famille furent consumées par le feu. Ces exemples montrent que ceux qui s'enrichissent par l'effet du hasard ou par des voies illicites, et qui en conçoivent de l'orgueil, ne tardent pas à tomber dans le malheur. Échapper par bonheur au supplice, et ne pas rougir de ses crimes. Commentaire. Le mot mien, 2, peut s'appliquer à ceux qui échappent au supplice ou à un danger imminent. Les mots vout et ch apostrophe signifient ne pas éprouver le moindre sentiment de honte. En général, tout homme qui rougit de ses fautes se corrige de lui-même et pratique le bien. Mais lorsque celui qui a fait le mal échappe au malheur par l'effet d'un heureux hasard, S'il reste comme auparavant insensible à la honte et incapable de repentir, soyez sûr que quoique, pour le moment, il se soit soustrait à la peine qu'il avait méritée, son crime ne restera pas longtemps impuni. Histoire Souvey avait été un ancien ministre de l'empereur Venti, de la dynastie des Sui. Quand Yuveno a tué l'empereur Yangti, Vei ne sauta point la vie. Il s'attacha au service de Yuven. Yuven ayant été renversé, Vei alla offrir ses services à Limi. Quand Limi était vaincu à son tour, il alla à la cour de l'Est, auprès de Tong, roi de Yue, qui le nomma gouverneur de province. Lorsque Wang Xinchong obtint la charge de premier ministre, Souvey eut l'impudence d'aller le prier d'oublier sa révolte. Peu de temps après, Tai Tsong, de la dynastie des Tang, ayant rendu la paix à l'Empire, Wang Xinchong résida dans la capitale de l'Est. Souvey demanda la permission de rendre visite à l'empereur, et prétexta sa vieillesse et son état souffrant pour se dispenser de faire les salutations prescrites. Tai Tsong chargea un de ses officiers d'aller lui reprocher son effronterie, et ne se donna pas la peine de le recevoir. Souvey en fut accablé de douleur, et mourut sur la route. On voit que Souvey n'avait pas su conserver les principes honorables qui doivent animer un ministre fidèle, et, qu'après avoir échappé bien des fois au châtiment qu'il avait mérité, il était parvenu à la vieillesse, sans éprouver le moindre sentiment de honte. Tai Tsong eut raison de lui reprocher son crime avec une âpreté qui le fit mourir de douleur. S'attribuer les bienfaits des autres et rejeter ses fautes sur eux. Commentaire. Le mot jin hein, signifie avouer. Par exemple, lorsqu'une autre personne a accordé un bienfait à quelqu'un et que nous avouons, nous déclarons faussement que nous en sommes l'auteur, pour qu'on nous en témoigne la reconnaissance. Le mot tui, 3, veut dire rejeter une chose sur une autre personne. Si nous avons commis une faute, et que nous la rejetions sur une autre personne, pour nous affranchir de toute culpabilité, nous imitons la conduite des hommes du commun, qui sont naturellement vicieux. Ce n'est pas ainsi qu'agissent les hommes qui ont le cœur droit, et qui rendent à chacun ce qui lui est dû. Histoire. Sous la dynastie des Song vivait un célèbre devin nommé Wang. Lorsqu'un magistrat demandait à être envoyé en mission, si Wang découvrait, en l'examinant, qu'il était digne de la confiance du souverain, il le renvoyait sans changer de visage, et comme plus tard le même magistrat venait à obtenir la charge qu'il avait sollicitée, il se gardait bien de lui parler du jugement qu'il avait porté sur lui. Ses enfants lui ayant demandé pourquoi il ne prévenait pas ses magistrats du succès qu'il devait obtenir, il répondit : « C'est à l'empereur qu'il appartient d'employer les sages. Si je les prévenais sur le champ, ce serait vouloir acheter leurs bienfaits. Si je cherche à m'attribuer le bienfait de leur élection, n'est-il pas à craindre aussi qu'ils ne me poursuivent de leur haine s'ils ne réussissent pas? Voilà un homme qui ne s'attribuait pas les bienfaits qui ne venaient pas de lui. » Zhou Pin attaqua le royaume de Chou de concert avec Wang Xiupin. Xiupin Pin fit massacrer environ 3000 hommes qui s'étaient rendus et ne voulut point écouter les remontrances de Zhou Pin. À leur retour, l'empereur entra en colère et voulut le mettre en jugement, mais Zhou Pin s'accusa lui-même du crime de son collègue et lui sauva la vie. Voilà un homme qui a pris sur lui le crime d'un autre. Que doit-on penser de ceux qui rejettent leurs propres crimes sur les autres? Quelque grave ou quelque légère que soient vos fautes, gardez-vous soigneusement de les imputer aux autres hommes. Faire épouser aux autres son propre malheur, et leur vendre ses mauvaises actions. Commentaire. L'expression Kiao signifie donner son propre malheur aux autres, et pour ainsi dire le leur faire épouser, comme lorsqu'on donne sa fille en mariage à un homme qui se réjouit de la prendre pour épouse. L'expression Mai O veut dire se décharger de ses mauvaises actions sur les autres, et pour ainsi dire les leur vendre, comme lorsqu'on vend une marchandise à un homme qui a le désir de l'acheter. Ceux qui emploient ainsi de perfides artifices et des stratagèmes cachés pour causer la perte des autres, ne manquent jamais d'être cruellement punis de leurs crimes. Histoire. Sous la dynastie des Song, Yao Tse et Wang Gu allèrent, par ordre de l'empereur, inspecter ensemble le grenier d'abondance appelé Taiyuzhan. Yao Tse se laissa corrompre par l'intendant de ce grenier, et porta sur les livres de compte plusieurs milliers de boisseaux qui manquaient. Il rédigea un rapport, qu'il signa furtivement du nom de son collègue. Quand cette imposture fut sur le point d'être découverte, Yao Tse fit à croire à Wang Gu qu'il avait besoin de faire un petit voyage, et lui confia l'argent qu'il avait reçu en prison. Celui-ci, ignorant le motif secret de cette absence, accepta ce dépôt et le garda. Quelque temps après, le magistrat sous les ordres duquel ils étaient placés, soumit cette affaire à une enquête judiciaire. Yao Tse accusa Wang Gu d'avoir aussi reçu des présents. On fit des recherches chez Wang Gu, et on trouva le dépôt dont il s'était chargé. Celui-ci reconnut alors que Yao Tse lui avait vendu son crime. Il fut suffoqué de colère, et mourut subitement. Yao Tse employa un nouveau stratagème. Il mit tout le crime sur le compte de Wang Gu, et se tira d'affaire. Quelque temps après, Yao Tse fut nommé juge de l'arrondissement de Lucheu. Un jour il aperçut Wang Gu, et en éprouva un tel effroi, qu'il tomba aussitôt malade et devint fou. Il poussait des cris perçants comme si on l'eût accablé de coups. Xian Yennian, gouverneur de cet arrondissement, eut recours à l'adresse de Tao Lu Song, qui les prit et l'amena. Yao Tse s'étant mis à genoux devant le tribunal, il raconta de point en point comment il s'était laissé gagner par des présents, et de quelle manière il avait fait épouser son malheur avant goût. Yennian, qui se tenait derrière lui,